Tango, tango, c'est sa démarche féline, faite de sensualité, qui m'invite à passer mon bras autour de sa taille flexible, où le beau mouvement l'assise de ses hanches si bien moulées, vient mourir sous mes doigts charmés. Tango, tango, oh quel bonheur de respirer son parfum charnel qui me grise, et de sentir ses cheveux longs vire voltant à la reprise, caresser doucement ma joue sur ses épaules dénudées, mes yeux extasiés ont glissé. Tango, tango, dans le bandonné on la plie, au creux de mon bras arrondi, au fond de ses yeux merveilleux, surpris joli un grand défi, que souligne un beau sourire, et je me sens piqué au vif dans mon talent de bon danseur. Tango, tango, à la reprise des violons, dans un point d'orgue sublimé, son corps plaqué contre le mien, à une caresse esquise, que je voudrais vraiment sans fin, ses yeux n'ont pas quitté les miens, et le sourire est si vilain. Tango, tango, j'ai beau compliquer tous mes pas, les gens nerveux sont toujours là pour dessiner avec talent à l'arabesque lumineuse les belles notes que jouent pour nous avec entrain les musiciens. Ce soir mon bonheur est complet. Tango, tango, quand la musique s'est arrêtée, comblé jusqu'au fond de moi-même, j'ai desserré avec douceur les doigts tressés entre les miens, les effleurés de mon baiser, et demandé de les garder comme à tout seul à tout jamais.